sourd. J'ai construit ma vie des barrières autour sans jamais voir le jour. J'ai prié mes dieux enfermés seuls dans ma tour. Comme toi j'ai voulu un visage, voir du paysage. Prendre le large, écouter mon message. Les barreaux d'une cage peuvent céder sous le poids des larmes que j'ai peur.